vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera avec nous pour faire le survol du plus récent numéro du journal Zone Campus. On se déshabillera pour le segment éducatif et sensuel Kiki Sexy Time et on se budgétera quelques dépenses inutiles dans 5-10, mais ça devrait pas là. Assemblage requis tout de suite. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 20 février 2013, 7h05 déjà. Déjà. Et je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe. Oui, et on a Stéphanie Paradis avec nous aussi. Hey, bon matin, messieurs. Bon matin à vous deux, là. Ben oui, bon matin, neigeux. On était pas sûr de se rendre, mais on a fini par se rendre. Hein? Chance. Je me sentais de mauvaise humeur à matin. Regarde-moi là, commencer l'émission à 7h05. Comment je suis encore plus de mauvaise humeur? Parlez-moi pas. Ne m'adressez pas la parole. Ben, j'en suis. Je suis pas sûr. Mais vous autres, ça va. Ben, moi, j'étais un peu surprise de devoir déneiger ma voiture ce matin. On dirait que j'avais oublié que ça pouvait encore arriver. Donc, j'ai été un peu sous le choc et j'avais pas de mitaine, j'avais froid. Et... Moi, j'étais sous le choc de pas me rendre compte qu'il y avait neigé puis pas déneiger mon auto puis de forcer ma belle-mère à le déneiger. Désolé. Ouais. Ouais, moi, hier, j'étais en train justement de parler que c'était bientôt l'été, qu'on en avait un beau gros bout de fête. Quel devin tu fais, toi? Aïe. Je pense que je dirai plus jamais rien. Je te fais plus confiance. Non. Moi, ce qui me perturbe, c'est de voir que les crémières vont bientôt ouvrir le 1er mars. Ça a tout le temps de fondre. Je veux sûrement y aller en raquette. Spécial motoneige. Ouais, prendre une queue de castor, là. Quelque chose. Aujourd'hui à l'émission, Stéphanie Paradis, vous l'avez entendu, elle va être avec nous à 7h30 pour sa chronique Zone Campus. On va faire le survol du plus récent numéro, hein? Oui, exactement. Plein d'affaires là-dedans, je suis sûr. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête ça jamais. Ça n'arrête pas. L'information, toi. On n'a personne d'autre parce que, oui, faut l'avouer, faut le dire aux gens qui l'attendaient. On a perdu Annabelle Maton au combat. Où ça? Je sais pas, je pense que... Exactement, dans le sens de perdu, si on savait elle était où, bon, on irait la chercher. C'est ça. Comme j'ai perdu mes clés, ou ça, je le sais pas, sinon je les aurais. C'est ça? Ouais, c'est okay. Ça. Bon, ouais. Si je saurais elle était où... Ben, j'ai vu comme quelqu'un qui... Bien. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait, j'aurais peut-être dû... Elle était dans la neige, puis tout, elle faisait petit. Ah, c'est peut-être le doublon d'Annabelle Maton, c'est quand tu perds un bas. Peut-être t'en reste un autre, on pourrait prendre la remplaçante. C'est l'aspect. Dans mes rêves, deux. Faut-il qu'il y ait une joke de jumelle à quelque part là-dedans? À chaque semaine, les mercredis. Comment? Donc, on va faire la chronique King Sexy Time en remplacement temporaire de cette chronique Je t'aime moi non plus. C'est chronique sexuelle. Donc, King Sexy Time vers les 8h30. On va aussi faire quelques dépenses inutiles dans 16 semaines, ça devrait répondre là. Chronique de gadgets fou furieux. Yay! On va faire ça en début d'émission. Sinon, on va continuer la série sur UQTR en spectacle avec Karine Tardy. Mm-hmm. Oui, et notre participant de la journée. En fait, nos participants, c'est un groupe Olivier Bellemare et Joanie Gagnon, duo chant-guitare. À 8h. Pile, c'est superbe ça. C'est merveilleux. On débute l'émission par contre avec du Young Rival que Stéphanie est allée voir en spectacle la semaine passée. Ouais! On a déjà parlé. Bon. Moi? Ah oui, moi je capote, j'écoute ça sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Ça a l'air sévère comme problème, je trouve. T'as peut-être besoin d'air. Donc, Young Rival et leur morceau du palmarès. Voici Two Reasons au 89.1 FM. Give me two reasons. Dimanche par Atomic Baobab à Assemblage Requis. C'est donc bon, du Atomic Baobab, on adore. À 7h12 minutes maintenant, ben c'est le moment de dépenser de l'argent. Je veux dire, l'argent, ça pousse dans les arbres. Si j'ai bien compris la phrase commune que tout le monde dit, l'argent pousse dans les arbres, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Il me semble, en tout cas. Sinon, c'est peut-être l'argent pousse pas dans les arbres. Non, je suis pas mal sûr que c'est... Bon. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a à la chronique où on dépense notre argent dans des choses inutiles, sur des choses inutiles, comme on veut. On aime ça, dépenser pour rien. Commençons avec un réfrigérateur, les amis. Un réfrigérateur qui vous donne du soda à la place de l'eau. Tu sais, là, de l'eau, c'est bien le fun. Dans un réfrigérateur de nos jours, tu peux avoir un verre d'eau quand tu veux avec de la glace dedans. Ah ouais. Mais là, Samsung combine le Soda Stream, le produit que tout le monde, dont tout le monde rit et quand on voit la pub à la télé. Soda Stream, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est l'affaire du petit bonbon de... Ouais. Ça rentre dans une petite bouteille transparente. Là. Avec du sirop de liqueur, on aime bien ça. Donc, c'est ça, vous allez pouvoir avoir de l'eau gazéifiée à partir de votre réfrigérateur. Vous appuyez sur un bouton, vous sélectionnez soda, vous attendez que votre verre se remplit d'eau gazéifiée. Puis après ça, ben, tu rajoutes ton sirop, j'imagine. Bref, le reste du frigo est quand même assez normal de la part de Samsung. 30,5 pieds cubes d'espace avec un tiroir à la hauteur des enfants qui puissent prendre leur popsicle, des affaires comme ça. 4 températures, Twin Cooling Plus Technology pour garder votre nourriture plus fraîche plus longtemps. Et on va payer 3 900 $ en avril. Ah, moi, j'ai périé là, pour qu'ils inventent ce frigo-là. Périé! Excellent! Bravo. Ouais. 4 températures! 4! Pas une, pas deux, pas trois, pas cinq. Comme ça, tu peux avoir... Pourquoi? Chaud! Non, mais tu peux l'avoir comme froid, mi-froid, congelé, mi-congelé. C'est pour les palais sensibles. Ouais. J'imagine que tu peux avoir de la slush. Ouais. Ce serait cool. Peut-être. J'aime ça. Ensuite, une belle table de bois. Il va falloir aller voir la vidéo sur assemblagerequipe.com pour comprendre, mais c'est une table de bois en cercle, ok, une table circulaire. Et si on dévisse le dessous un peu et qu'on tire sur le rond, la table se métamorphose. À l'intérieur, il y a comme une étoile. On dirait que c'est comme placé en étoile, les planches de bois. Et puis, ça fait apparaître une table beaucoup plus grande que la table d'origine. C'est vraiment très cool. C'est cool, ça. C'est dur à expliquer un peu, mais ça s'appelle la Fletcher Capstan Table. Ça va se vendre entre 50 et 70 000 $. Pourquoi pas? Presque donné. C'est comme une tarte. Ouais. Une tarte qui s'agrandit tout seul. C'est ça, ouais. La célèbre qui coûte vraiment cher. Mmh. Qui se mange pas. Ouais. Puis qui s'appelle pas de même. Ça n'a aucun lien, finalement. Maintenant, deux gadgets sexy un peu. Là. Le Dildo Maker, c'est un produit qui n'existe pas, malheureusement, mais c'est un concept par le designer Francesco Maracchini, qui est c'est comme un aiguisoir à crayon, OK? Sauf que ça fait des appareils génitaux masculins à la place. Donc, par exemple, tu mets une carotte à l'intérieur et ça va te faire un... Quel gadget inutile, j'aime ça. Un gadget, t'as dit? Un gadget inutile. Donc voilà, c'est Francesco Maracchini. Allez voir le lien sur assemblagerequipe.com. Ensuite, un vibrateur avec mémoire flash à l'intérieur. Pourquoi pas? C'est le Duet par Crave, qui est un vibrateur à l'épreuve de l'eau, hydrofuge, qui peut avoir jusqu'à 16 gigs de mémoire flash. Donc, c'est un vibrateur, un objet sexuel. On ne sait pas pourquoi on voudrait mettre une clé USB dedans, mais ils se sont dit, tu sais, vu que tu peux charger l'appareil par la clé USB, pourquoi ne pas mettre de la mémoire flash dedans? Exactement. J'ai eu une présentation il y a quelques semaines. Et maintenant, les petits gadgets qui se transportent dans les sacoches et qui ont l'air de des rouges à lèvres ou des mascaras, on peut les recharger dans l'ordinateur. Et je me disais, tant qu'elle rechargeait là, ça serait cool si on pouvait avoir de la mémoire. Et voilà, je suis maintenant... Tu mets ta porn dessus, tant qu'à faire. Ben oui, pourquoi pas? Problème réglé. Renflouer tes plus grands secrets. Oh. D'ailleurs, j'ai oublié le mien accroché après l'ordi. Ah, ben voilà. Non, touche du pot, il va aller le chercher tout seul. Je vais peut-être me copier le dossier avant. Il y a trois modèles, une version à 149 $, sans mémoire flash, 219 avec 8 gigs, et puis l'autre a une anneau doré, genre gold-plated, entre le vibrateur et la base. Ça, c'est celui à 219. Et il y en a un à 349 avec 16 gigs. Et lui est complètement plaqué. Or, la base est complètement plaquée. Oh. C'est-tu pas merveilleux? 350 $. Ouais, rien là. Hein? Rien là. Il y a une clé USB pour mettre ta pointe. Coûte pas cher, ça, là. Hey, non. Ensuite, un spray qui rend tes bottes, n'importe quelle chose que tu portes, là, qui l'empêche de coller des choses dessus, genre, mettons, de la boîte. Ça ne collera pas. Ça s'appelle le Ultra Ever Dry Hydrophobic and Oleophobic Spray. Donc, hydrophobic, c'est contre l'eau, et puis oleophobic, c'est contre tout ce qui est huileux. Là. Bref, ça a été testé sur plusieurs surfaces avec différents liquides. On montre sur la photo des bottes où le gars a mis du spray sur une de ses bottes et il n'y a rien dessus. Et l'autre, c'est complètement boiteux. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. C'est le fun. Est-ce qu'il y a le prix? Il n'y a pas le prix. Fini les petits cailloux dans l'appartement. Et le sable en craque de... Non? C'est dans les fesses. Hein? Donc, Ultra Ever Dry, vous pouvez aller le voir aussi. Il y en a qui disent que ça va peut-être devenir comme des manteaux contre la pluie. Hein? Ce genre. Oui, ça peut être cool. Ou pour une tente aussi, qui pogne tout le temps l'eau. Oui, ma tente est toujours mouillée. Je dis à mon oncle, coudonc, fais attention. Tu aurais peut-être besoin du spray. Spray, ouais, c'est ça. Wow. Ouais, je me souviens plus du nom. Est-ce que tu peux t'en servir comme contraceptif? OK, on va se faire. Je reste dans le domaine des tentes, voilà. On parle maintenant d'une manette de Nintendo 64 qui est faite pour ressembler à une manette de Nintendo Entertainment System. Je trouvais ça vraiment joli. C'est pas quelque chose que tu peux acheter. C'est une télécommande de Nintendo 64 faite custom, donc personnalisée par un artiste sur DeviantArt.com qui s'appelle Zoki64. C'était pour un de ses clients. Donc, j'imagine que si vous le contactez, vous pourrez vous en fabriquer une. Ça veut pas dire que ça va être pas cher, t'sais. Mais elle est vraiment magnifique. Sincèrement, je suis un peu déçu qu'on puisse pas l'acheter comme ça parce que... C'est beau. Est-ce que tu connais, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, Steph, c'était Nintendo, attends un peu, je pense que c'est Lives, en tout cas, bref, je te donnerai l'adresse plus tard. Alors, je l'ai, infinitenesslives.com, NESLIVES.com, qui prend des manettes de Super Nintendo et de Nintendo, et tu peux les avoir en USB pour les brancher sur ton ordi, ou encore tu peux les avoir avec un connecteur de Wii pour pouvoir brancher ta manette de Super Nintendo dans ta Wii pour jouer aux jeux rétro. Ah, wow! C'est magnifique. C'est quand même assez cher. Ils vendent ça avec des différentes longueurs de fil. Là. Mettons juste comme exemple une télécommande de NES USB va te coûter 33$. Ah, ben c'est pas si pire. Pas si mauvais. Moi, je veux m'en acheter une, c'est sûr. Une Super Nintendo pour 47$. Et ça continue comme ça. Il y en a plein. InfiniteNESLives.com, j'en avais déjà parlé, mais ça vaut la peine de c'est super, ça, pour les gens nostalgiques comme moi. Ouais, c'était la mode en plus. Les années 80-90 reviennent tellement à la mode. C'est beau, ces années-là. Ah oui. Ensuite, ton chat a besoin de se faire dorloter, là. Il le mérite bien. Et pourquoi ne pas lui faire son propre monde à l'intérieur d'une montagne, un peu comme dans Le Hobbit? C'est super joli, le Hobbit Hole qu'on appelle. Donc, c'est vraiment une genre de montagne verte de gazon avec une grosse porte en rond à l'avant. Et ton chat peut aller se réfugier là-dedans. Je sais pas s'il va comprendre, ton chat, pourquoi tu fais ça. Et ça va lui faire une petite cachette. Mais écoute, je peux te gager ce que tu veux que ton chat n'ira jamais à l'intérieur. T'as beau acheter n'importe quoi pour que ton chat puisse se faire une petite maison, il va toujours trouver un coin autre. Comme moi, mon chat adore la chaise de cuisine. Pourquoi? C'est le truc le moins confortable au monde. Il y a une chaise pleine de poils dans sa cuisine. C'est celle du chat. Moi, oui, effectivement. Moi, c'est mon sac d'ordi. Ouais. C'est assis, il est dedans. Je sais pas, les sacs à dos, on dirait que les chats aiment ça. Ouais. Je sais pas, c'est le bruit que ça fait quand ils se mettent dessus. Moi, c'est la machine Bell, le récepteur télénumérique de Bell. Ma chatte est tout le temps dessus parce que c'est un petit peu chaud, mais tu sais, pas trop. Avant, elle se mettait sur les calorifères dans le temps que j'habitais dans un appartement où on chauffait aux calorifères vraiment intenses. Ou pas la bois. Ouais, au poil à bois. Non, ça lui brûlait les pattes, pauvre. Ah, pauvre petite. Mais ben, niaiseuse. Ben, c'est pas la plus intelligente du monde, là. Et elle a aucune coordination, elle se jette à terre tout le temps. Elle sait pas sauter. Elle a rien qu'un œil, là. C'est une chatte handicapée. Et comme à la voix, on va faire pleurer tout le monde. Oh. Oh. Ça brûle, mais je suis bien. Mais je fais ça, moi aussi, des fois. Quand j'ai vraiment froid, je me mets les pieds sur le calorifère. Là, je fais comme, ah oui, c'est le fun, c'est chaud, mais aïe, je me brûle. Ben oui, mais au moins, tu les enlèves quand ça brûle, tu sais. Ouais. C'est ça. Restons à la terre du milieu, là, avec Bilbo le Hobbit, etc. Là. Ajoutez l'odeur de la terre du milieu, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et l'arcade, chez vous, avec des chandelles pour geeks. Une arcade rétro, il y a l'espace. Comment tu veux sentir l'espace? Teen Spirit, je sais pas si ça sent comme... Ah wesh! Je sais pas. Je veux pas savoir ce que ça sent, ça. Le dessous de bras d'un adolescent. Bref, c'est ça. Ça s'achète pour vrai. Je vois difficilement comment tu peux sentir l'espace. Mais c'est pas grave, 20$ par chandelle. Ça sent peut-être tout l'univers quand t'allumes la chandelle. Ça sent tout. Ça sent le petit chien mouillé, ça sent les restants de fond de cendrier, ça sent tout en même temps. C'est l'espace avec la Terre et toutes les planètes, tout un mélange. Ben, je serais curieuse de savoir ce que ça donne. Ben, pour 20$, tu pourras le savoir. On dirait qu'ils ont juste changé de sticker pour l'avril. Vraiment. Tu ne sauras jamais. Tu ne sais pas ce que ça sent. C'est vrai. Ensuite, ah tiens, les années 90, hein, on en parlait il y a 2 secondes. Donnez-moi 3 secondes pour tout ça. Mais voilà. Donc, Windows 98, c'est un paquet de cartes à la solitaire. Tu sais, dans solitaire, ah ouais. Dans Windows. C'est beau! Non, mais c'est écœurant. C'est vraiment très cool. Celui-là, je l'adore, je le veux, c'est clair. Donc, c'est ça, c'est un paquet de cartes avec dessus, bon, c'est juste l'icône solitaire.execute là, sur Windows 98. Même Windows 98, ouais, c'est généreux, mais ça ressemble quasiment à Windows 3.1 maintenant. 95, mettons. Soyons entre les deux. Et chaque carte ressemble vraiment littéralement à ce qu'il y avait dans Solitaire. Bref. Est-ce qu'on peut choisir le dessus de la carte comme dans le jeu? Non, il y a juste la plage. En tout cas, je vois pas de différentes... Non, je pense pas. C'est triste. Je me souviens qu'il y avait une rose aussi, il me semble. C'était une fleur. Il y a pas un petit désert aussi? Non. En tout cas, là, il y en avait quelques-uns. Celui-là, sur les photos, là, on voit le désert. Ça, c'est clair. En fait, je suis allé sur le site, là, je suis en train de visiter ça. Ça dit que c'est signé et numéroté. Il y a 500 paquets créés exclusivement pour The Cooper Hewitt. C'est des cartes officielles Bicycle, pareil comme les vraies cartes Bicycle. C'est imprimé par la United States Playing Card Company, donc c'est totalement officiel. Et puis, hey, regarde! Tu vois comment l'article... Tu sais, moi, je lis les articles qui référencent les produits, mais les gens qui font ces articles-là ne vont apparemment pas voir sur le site parce que c'est marqué que ça a été créé par Susan Kare pour Windows 3.0 en 1990, le design de ces cartes-là. La scène sur la plage à l'arrière a été dessinée par Leslie Coy. Et puis le développeur du jeu original a participé aussi à la création de ce décor-là. West Cherry était son nom. C'est utilisé avec permission de Microsoft. En plus. Tu vois comment ça vaut la peine des fois d'aller sur le site d'origine? Hein? Ça coûte combien ça, un paquet de même? Est-ce qu'on peut les acheter? C'est ce que je me demande. Mais tu dis vraiment. Qu'il y en a eu quoi, 500? 500. D'après moi, ça a été vendu assez rapidement. eBay. Ouais. eBay pour eBay, cher, j'ai l'impression. Mais j'aimerais ça. Ensuite, un moule à gâteau pour faire un thumbs up sur Facebook. C'est par Big Mouth Toys. Ça a été en fait montré au 2013 Toy Fair. C'est une chose à gâteau en silicone qu'on peut utiliser pour faire du jello, des gros chocolats, des blocs de glace. Pourquoi pas, ça? Il n'y a aucun prix sur le site, hein? Je comprends pas. J'aimerais ça savoir où acheter ces affaires-là, mais apparemment que c'est pas nécessaire. C'est juste pour en rire. Ensuite, une sonnette de porte programmable musicalement. Donc, on a déjà vu des clochettes, des sonnettes programmables. J'en ai une chez moi, je peux choisir comme entre trois différentes sonneries. Mais ici, MDB2 Musical Doorbell, c'est qu'il y a un clavier dessus. Il y a 100 chansons incluses, 100 sons et chansons incluses. Mais en plus, c'est qu'il y a un petit clavier de piano pour programmer tes propres chansons. Donc, le ciel est la limite, tu pourrais jouer ma petite vache à mélopathe. Non, pas ma... C'est quoi? C'est la petite vache à mayotte? La vache à mayotte. Ça marche sur la console. Non, ça marche pas. Il y a des boutons sur la console, mais ça marche pas. Mais déjà qu'une sonnette traditionnelle, moi, ça me tape sincèrement sur les nerfs. Pour vrai, les gens qui viennent chez nous, s'il vous plaît, sonnez pas, cogner, je vais l'entendre. Ouais. Et tu veux pas payer 50$ pour pouvoir jouer du piano sur ta sonnette. Wow. En plus, tu sonneras jamais pour rentrer chez toi. Non! Tu vas peut-être en train de sonner ta propre sonnette. Donc, peut-être. Faut acheter ça et le donner à nos amis chez qui on va régulièrement sonner. Voilà. Voilà. Ensuite, tiens, ça c'est toujours dans le domaine de quelque chose de fatigant, là, côté sonore. C'est le portefeuille Sonic Wallet qui joue un son lorsqu'on l'ouvre. Et là, en plus, t'as un design différent sur le portefeuille. Par exemple, The Scream, c'est la célèbre toile avec le gars de Maman, j'ai raté l'avion. On dirait Macaulay Culkin, mais déformé. Mais voyons. C'est pas vrai, ça ressemble pas du tout. Le drapeau américain, Shakespeare et puis le baseball. Et bref, ça joue une chanson quand tu l'ouvres. J'ai l'extrait sonore, ça ne tente pas de le faire jouer. Sonic Wallet, ça sonne le midi, là, tu sais... Shakespeare n'a pas l'air heureux, là. Non, ben, en fait, le nom du portefeuille dit Shakespeare Insult. Je pense que c'est peut-être Shakespeare qui t'insulte. Mais bref, évidemment, mettons baseball, ça va jouer le Star Spangled, Stars and Stripes Forever. C'est pas un Star Spangled Banner, je me mets tout le temps entre les deux. Bref, voilà. Allez, écoutez ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, le prochain gadget, c'est un couteau à mesurer. Tu sais, on dit tout le temps une cuillère à mesurer. Tu sais, mettons, une cuillerée à thé, une cuillerée à soupe, je me mets tout entre les deux. Tu sais, il y a cuillerée à table, cuillerée à soupe, cuillerée à thé. Laquelle qui est deux fois la même? Table et soupe, en fait, je pense que c'est deux unités de mesure différentes. Okay. Mais en fait, je pense que c'est le système d'unités de mesure qui change. Ah. Je pense que c'en est peut-être un qui c'est métrique puis l'autre impérial. Je sais Britannique, pas trop. Moi, genre. Mais honnêtement, moi, je prends une cuillère puis je. T'arrondis ça comme ça de temps. Puis au goût. Hein? Table et soupe, pour moi, c'est la même chose. Thé, café, même chose. T'arrives au restaurant en entrée, je vais te prendre une table à la place de te prendre une soupe. Donc, c'est ça. Pas besoin de la rire, ça. Donc, c'est un couteau à mesurer. Donc, vraiment, littéralement, le couteau va se plier sur lui-même. On va pouvoir prendre une cuillerée à table. Il y a des petites lignes sur le couteau. Et donc, tu vas jusqu'à la ligne. Et puis après ça, tu peux tartiner. Non, mais pour vrai, c'est cute, là. C'est vraiment cute. Belle petite portion. Portion control, comme on dit. Et ça coûte seulement 7$. C'est cute, c'est en silicone. J'aime ça. On dirait un céleri. Il a l'air sec, ton céleri, je trouve. Non, mais tu sais, tu peux le tremper comme ça dans le cheese whiz. Ah oui! Ah, mais oui, j'avoue, hein. C'était pas mauvais, ça, du cheese whiz sur un céleri. C'est pas mal le seul endroit où je mettrais du cheese whiz dans la vie, moi. Ah, moi, je préfère dans le macaroni. Macaroni. Okay. Ensuite, tiens, une tasse sur laquelle on peut installer des blocs Lego. Ah oui! La tasse au complet est faite de trous et de petits... petite bosse là, bref, de pin, bien dit. Donc c'était à la 2013 Toy Fair dont on parlait tantôt. Build on Brick Mug, compatible avec Lego et les autres blocs similaires parce que vous savez que le brevet de Lego a expiré. Donc les autres compagnies peuvent maintenant faire des simili Lego sans les appeler Lego. C'est Lego compatible. Tout ce qu'ils ont Lego, c'est encore la marque, là, le mot Lego leur appartient. Bref, c'est ça. Je trouve ça cool. C'est BPA-free, donc sans BPA, le truc. On peut pas les mettre au micro-ondes, par contre, à moins qu'on aime le plastique fondu. Et puis, je veux savoir le prix sur ThinkGeek, évidemment. Donc, 20$ plus le shipping incroyablement cher. On dirait que je le regarde, je saurais pas où mettre ma bouche pour boire. Ah, mais tu vois que sur le côté de la tasse, c'est pas des pins, c'est des trous. Je t'ai vu sur le côté. Donc, mais ouais, je trouve le bord est quand même épais. Là. C'est fait pour être doux sur les lèvres. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça. À moins que tu puisses planter tes Legos à l'envers, la pine. Mais là, faut pas que tu te trompes avec la vraie ganse. C'est une ganse sur une. Une anse. Anse. T'avais un jet de taux, je pense. Ouais. Ouais. T'es ben, proche. Ouais. Puis là, tu sais, ça tombe, puis là, tu t'es bouillante. Les deux ont un trou, c'est une ganse, c'est une anse. Ouais, ouais, ouais, ouais. Non, je comprends. Ouais. Pas de truc. Puis porte pas ta tasse après ta ceinture non plus, ça pourrait faire bizarre. Non. Oh. Si la tasse te fait, voilà. Voilà. Ou le chapeau, fais-le. Wow. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, où allons-nous? Là, j'ai envie d'en sauter quelques-uns. Allons-y avec... Ah, tiens, ça, c'est cute. Tu sais, les prises de courant dans une maison ou dans un studio, ici, on en a plein. Hein. C'est laid, des fois. Tu veux les cacher. T'sais. Donc, il y a un homme japonais qui a créé ces petites maisons qui se mettent autour d'une prise de courant et ça donne une petite porte qu'on peut ouvrir et fermer pour cacher les prises qui sont vraiment utilisées. Donc, il y a différents styles. Tu peux avoir des petits oiseaux, la lune, des étoiles, des portes japonaises comme dans les restaurants qui se prennent comme pour des restaurants japonais à Trois-Rivières. Mm-hmm. C'est des restaurants qui imitent les restaurants japonais. En tout cas, bref, c'est vraiment cute. Je trouve ça le fun. Est-ce qu'on peut les acheter? Je crois pas. C'est Keten à souhait. C'est pas si pire que ça. C'est Keten. Peut-être. Peut-être un peu. Ensuite, le designer Dan Rosgaard qui a inventé une robe révélatrice, si on veut. Donc, c'est que la personne, aussitôt que t'es comme excité, si on veut, c'est ce qu'on dit dans l'article, là. Aussitôt que t'es excité, les vêtements vont devenir transparents. C'est fait d'un matériau unique qui détecte quand t'as un petit peu d'excitation dans ton corps, là, je sais pas comment ça fait. Bref, c'est du e-foil placé des endroits stratégiques sur la robe et la personne qui la porte va voir certaines parties de son corps exposées. Lorsque les sensors détectent le battement, c'est le battement du cœur qui accélère. Va faire que ça va devenir transparent. Ok, je suis un peu sceptique quand même. Moi aussi, mais la vidéo de Intimacy 2.0 a l'air de... ça a l'air de marcher. En tout cas, tu mets pas ça n'importe où, hein, parce que des fois, tu peux te faire surprendre. Oh! Ouais, de la fin, ça se mettrait du piquant dans la vie un peu. Alors, celui-là, c'est super vieux. Je l'ai déjà vu 1000 fois, mais je trouvais ça cool quand même. J'ai envie de l'acheter. C'est un chandail qui est écrit dessus. Tu sais, on voit souvent dans les restaurants, mettons, demandez-moi genre des informations sur quelque chose. Ici, c'est demandez-moi une question par rapport à mon déguisement de ninja, tu sais. Et c'est que tu peux prendre ton chandail par en avant, à la taille, et te le rentrer par-dessus la tête, puis ça fait une face de ninja. C'est un masque de ninja. Tu vois juste les yeux. Entre 17 et 21$, c'est sorti il y a quand même longtemps, mais... C'est le fun. Mais c'est chouette, mais ça a quand même l'air moins fou un peu si c'est un gars qui le fait. Je me vois mal faire ça avec mon chandail en public. Mais faut que t'aies un autre chandail en dessous. Hein, ça. C'est deux jours de suite, la robe, puis après ça, le chandail de ninja. Mais il pourrait y avoir des variantes. La robe, ici. Ouais. Il pourrait y avoir des variantes, genre, demandez-moi pour mon costume de Père Noël, quelque chose comme ça, puis ça te fait un chapeau de Père Noël, puis une face. Ouais, mais les Père Noël, c'est donc bien moins hot que les ninjas. Ouais. Il y aurait les pirates. Oui, exactement. Ça prendrait les pirates, c'est ça. Ensuite, le Super Soaker, en fait, c'est un nouveau fusil, tu sais, comme un fusil à eau, mais qui, à la place, envoie de la glace, si j'ai bien compris ici. Donc, à la place de juste de l'eau, ce fusil-là, tu peux y mettre de la glace qui va refroidir l'eau en la tirant. Est-ce que je peux voir une vidéo de ça, la page du produit? J'aimerais avoir plus de détails. Ça coûte 20$ seulement. Attends un peu, je veux comprendre. C'est le... C'est ça. Ça te permet de congeler tes amis en leur lançant de la glace ou de l'eau glacée, de l'eau très très froide. 25 onces liquide qu'on peut remplir. Et puis, tu peux tirer une cible jusqu'à 30 pieds. Et le ice drum, bah, le reste, c'est pas intéressant. Mais bref, c'est ça. On envoie de la glace. Ça doit manger les batteries, ça. Ouais. Hein? J'avoue. Non, mais déjà qu'à chaque fois que je me suis acheté un fusil à eau dans ma vie, on dirait que c'était tout le temps un échec. Ça pétait tout le temps au bout de 2 minutes. Là, en plus, t'as les piles. Puis, je sais pas. Je suis sûr que ça dure pas longtemps, ces piles-là. Je penserais. Ensuite, une cravate qui se zippe. À la place d'avoir à faire un nœud de cravate, tu zippes ta cravate. Pourquoi pas, ça s'appelle Zip Tie. Et puis, ça coûte 65$ chez Actual, une compagnie qui vient de Oakland aux États-Unis. Moi, je trouve que ça fait comme entre super paresseux et super professionnel. Tu sais, au bureau, un gars qui devrait avoir l'air cool. Trop cool. Ouais. Ouais, trop cool avec ses employés, comme tu sais, chez votre ami. Tu zippes ça, tu dézippes ça. Mais on dirait un peu de la moquette. C'est, ou du feutre. Ouais. Pour le bricolage. Ah, c'est vrai, hein? C'est comme le matériel aurait pu être vraiment cool, tant qu'à faire de quoi de ouais. Même. Ou si t'avais, surtout à ce prix-là. Si tu broyé les poils de ton chat. Alors, non, pour vrai, ça ressemble à ça, du poil de chat broyé. Là. En tout cas, comme compressé, là. Ouais, compressé, une boule de poils. Il faut qu'on se dépêche, là. La chronique est un petit peu longue. Je vais aller avec dans les derniers qu'on a ici. Ah, ça, c'est le fun. Ah oui, ça, j'aime ça. C'est un iPhone case, un case pour votre iPhone, évidemment, 5. Avec des, c'est fait en bulle pétante, tu sais, en bulle qu'on peut péter. Ben moi, j'y péterais tout de suite quand il arriverait, fait que ça ne servirait à rien. C'est que c'est pas du vrai bubble wrap, mais ça a l'apparence de bubble wrap. Les bulles à péter, mais c'est pas avec ça. C'est pas fait avec ça. Bref. Je trouvais ça cool. Sinon, un divan avec sac de couchage intégré. Donc vraiment, tu sais, la couverture de ton divan, à l'intérieur, fait que tu dézippes, tu rentres dedans, tu te couches. Après ça, quand tu sors, tu rezippes l'affaire et ça redevient un divan normal. C'est pas pire, c'est le Camp Day Bed par Stephanie Hornig. C'est cool. J'aime vraiment ça. Et le dernier. Attention, ah oui, je peux pas passer à côté du vin à saveur de cheeseburger. C'est du vin rouge. Hein? C'est pour la Saint-Valentin est passée, mais les occasions sont toujours bonnes pour boire du vin. Donc, c'est Rootstock Cellars Cheeseburger Red Wine. Ça coûte 13$ par bouteille. Et c'est vraiment un saveur de cheeseburger. Je sais pas pourquoi tu veux me laisser sa chronique avec un petit mal de cœur. Tu termines là-dessus, ouais. Ouais, mais l'image du cheeseburger est tout à fait... C'est parfait, là. C'est ce cheeseburger-là. Je sais pas où ils l'ont pris. Hein. C'est efficient, là. Hey! Ils l'ont pas pimpé ben comme pour une annonce de... Non, c'est ça. T'sais, si tu veux que ton vin a l'air au moins bon, tu sais... Force-toi un peu, là. Force-toi à boulette. Tu veux que l'étiquette est cheap aussi, un peu, là. Ouais. Force-toi à boulette, c'est pas pire, non, ça? Red. Force-toi à boulette. Force-toi la boulette. Ouais, magnifique. On la retient? OK. Mais pour terminer sur une note plus heureuse, si tu veux, je vais juste pour toi terminer sur une note heureuse. C'est un calendrier, OK? Qui ne contient que des ronds jaunes. On se comprend là-dessus? Donc des ronds. Ben en fait, des ronds jaunes et des ronds bleus. Et quand t'es heureuse, tu dessines un petit bonhomme sourire sur chacun des jours. C'est pour que tu te rappelles, genre, de tes émotions à travers le mois. Il y a un petit chiffre à côté de chaque case. Comment s'est passée ta journée? Tu peux dessiner un bonhomme. Ben là, il y a une légende en bas. Tu peux dessiner un bonhomme avec un grand sourire, un petit sourire, une ligne, un sourire à l'envers, une bouche triste ou un sourire vraiment fâché. C'est 14$ pour le American Calendar. Moi, je serais déjà oublié d'en remplir un, puis là, tu fais comme, merde, je suis rendu où? Quel jour me manque-t-il? Comment je me sentais il y a deux jours? C'est comme les chocolats, là, quand même. Et puis, chocolat, tu peux en manger deux à la fois. Puis, au jour de calendrier de l'Avent? Hey, pour vrai, là, je pense il y a quelques, peut-être 3 semaines de tout ça, je me suis rendu compte que je n'avais pas fini mon calendrier de l'Avent. Il me restait 11 chocolats. Je les ai tous mangés d'une claque, ça goûtait le carton, c'était mauvais, puis j'étais heureuse. Ça, c'est pas pour les gens rancuniers, hein, ce calendrier-là. T'étais de mauvaise humeur telle journée, tu sais, puis là, ça fait comme un an, puis t'es comme aïeul, là. Oh. 15 ans. Je pense que le calendrier pour l'année, ça va vraiment te dire au complet si t'as passé une belle année ou une mauvaise année. Je pense que les ronds bleus, c'est le début de chaque mois. Bref. On se perd, mais j'aime ça, j'en veux deux. C'est bon. C'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Aujourd'hui, je me mettrai une petite face comme très, très straight. Petite barre sur la bouche. Comme ça? Petite barre. J'essayais de faire. Hey, mais pour vrai, on n'est pas capable de faire cette face-là. Non. La bouche droite comme ça. Faut que tu tiennes les lèvres. OK, belle image. Super. C'est comme ça que va ma journée. Elle va comme ma tante. Et c'est mon oncle, pas la tante. OK, la tante à coucher. C'est ça. Qui me pince les joues. Il n'y a même pas personne qui fait ça pour vrai. Non, ben oui. Non, pour vrai. Franchement, oui? Ben oui. Non? Ben, oui, non, oui, peut-être. Non, toutes les tantes font ça, les grands-mères font ça, de pogner les... Non, moi, j'ai une famille très respectueuse. De la bulle des autres. Ben ouais. Non, ben tant mieux, hein, je te ouais, moi c'est quoi aussi. Le mot pour ça? Je t'envie, voilà. OK. Est-ce que j'ai perdu 30 secondes sur trouver le mot envie? On va recommencer à faire des bruits de bouche à la place. Ben, après le bruit de bouche, le bruit de sourcil, puisque le petit bonhomme fâché, c'est le seul qui a des sourcils. Les autres sont épilés de la face. Oui. Bon. Oh, wow. On prend une pause. On revient avec Stéphanie Paradis et la chronique Zone Campus. On continue de faire des faces et des bruits de bouche pour ensemble. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. C'est quelle station déjà? 89.1? C'est fou, je pense. Ouais. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. T'as trouvé un crayon feutre, Jean-Philippe? Oui, pour faire des expos. Je sais pas pourquoi ça s'appelle expo. Tu peux juste l'utiliser sur le terrain de l'expo. Exposé à Rome. Finalement, c'est tellement plate comme gag. C'est un peu plate. Hein? Ouais. Mais c'est pas grave parce que Stéphanie Paradis m'a faufilé un numéro d'un journal. C'était un arbre avant. Oh! Fais-moi donc pleurer. Maintenant, c'est un journal. Zone Campus! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Stéphanie Paradis, rédactrice en chef du journal Zone Campus, était en notre compagnie ce matin. Quel privilège! Ben mon Dieu, mais ça en pas trop? Non, hein, mais arrêtez. Hein. En une de ce volume 8, numéro 12, du 18 février au 3 mars 2013, on retrouve le Jam des Neiges. Le Jam des Neiges, oui, c'est une compétition amicale de planche à neige et de ski qui était ouverte à tous. Donc, les qualifications étaient prévues en début d'après-midi. Oh, le taux de participation n'était pas très élevé quand ça a commencé ou à ce moment-là. Donc, ils ont décidé de laisser plutôt une longue période d'essai libre. Donc, c'est seulement à compter de 19h finalement que les skieurs et les planchistes ont foulé la pente pour les qualifications. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur les gagnants et l'organisation, c'est l'endroit pour le faire. Ça avait eu le 12 février dernier. C'était vraiment très bien installé. Pour vrai, les installations pour les planches à neige, c'était vraiment parfait. Il y avait des lumières le soir. C'était vraiment bien fait. C'était beau. Moi, j'aurais pas descendu là-dedans. Je suis même trop check-in. Non. Mais pour vrai, de toute façon, je fais pas de ski, je fais pas de planche. Je me serais lancé peut-être en crazy carpet. Ben c'est comme la base. Ouais. La crazy carpet? Ouais. Toi, t'es la base. T'es... Un 3 skis, moi j'aurais descendu en 3 skis. Ah ouais, ça c'est cool. Non, ça virait jamais quand il fallait que ça vire. Hein? Ben, une crazy carpet non plus d'ailleurs. Non, c'est vrai. Ensuite, toujours en actualité, recherche à l'UQTR. Nouvelle chaire de recherche. Oui, fait qu'on a eu le lancement de 3 nouvelles chaires de recherche pour l'UQTR. Donc, on a eu la chaire de recherche en neurobiologie du traumatisme crânio-cérébral léger. Donc ça, c'est une commotion cérébrale, les amis, en passant. Ensuite, la chaire de recherche en immunité végétale et la chaire de recherche en écologie du paysage et aménagement. Donc, on a aussi plus de détails à quoi servent ces chaires de recherche, quel genre de recherche est-ce qu'elles font. Mm-hmm. On vient sur le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. Oui, c'était la GEQTR qui présentait pour la 5e année consécutive le colloque multidisciplinaire des cycles supérieurs. On a eu des conférences, entre autres, en ergothérapie, en biophysique et biologie cellulaire, en littérature, en environnement, etc., etc. Surtout l'etc. était vraiment intéressant. Oui, c'est pas la conférence qui était annulée, ça? Je sais pas. Etc. Etc. Ensuite, je pense que c'est important de le souligner. On a un petit message du directeur général François-Olivier Marchand. Tabarouette! Ben oui, au revoir, Tabarouette! C'est triste, c'est hein? Ça, on le perd. Mot. Ben oui. Ah, ça veut dire qu'on a volé le punch de demain, ça? Oups! T'as quoi? On le mentionnait à l'émission. Oups! Ben là, c'était écrit dans le journal. Ouais, j'ai déjà dévoilé ton punch. Ouais, désolé. C'est correct. Donc, vous pouvez aller lire son petit message d'au revoir dans le Zone Campus. Oui, et il sera avec nous demain matin. Assemblage requis. Bon, on va tous être là. Ensuite, Simon Fitzbé signe sa chronique en pleine face. Oui, pas envie. Donc, Simon nous partage ce dont il n'avait pas envie. Ouais. D'écrire sa chronique, je pense. Entre autres, peut-être. Sinon, on passe maintenant en société avec la chronique de Jean-François Veilleux, je me souviens, au pouvoir citoyen. Ah oui, OK. Non, ben tu m'as pas coché aucun article dans cette page. Donc, je me souviens, pouvoir citoyen de Jean-François Veilleux. Regarde sur les rébellions de 1837 et 1838. Donc, il souligne l'anniversaire, le 175e anniversaire de l'indépendance du Bas-Canada. Donc, ça va être le 28 février. Donc, c'était en 1838. Et là, maintenant, ça fait 175 ans. Et la semaine prochaine, ce sera les Bobettes Canada. Bas Canada, puis Bobette Canada. Des Bobettes, des Bobettes. Non? Laisse faire. Ensuite, on continue. Hey, hein? Bon. Parlons de sexe avec Jonathan Loranger. Controversé, toujours. Donc, ici, Jonathan Loranger nous parle des risques engendrant la masturbation sur l'intimité. Donc, il nous parle, entre autres, du conditionnement du corps et du conditionnement de l'esprit. Hein? Vous pouvez en penser ce que vous en pensez. Moi, vous savez sûrement ce que j'en pense avec mes collègues Kinky Sexy Time. Je pense qu'à un moment donné, si on peut pas avoir de fun. Là. Hein? Il va peut-être avoir une lettre d'opinion des masturbateurs anonymes. Je la signerai peut-être pas. Là. Je veux dire, je m'assume pas à ce point-là. Mais non, masturbateur anonyme, tu peux la signer. Personne ne va savoir que tu vas l'avoir signée. Ah! Bonne. Ouais, OK. Hein? Bon, fait que là, maintenant. En tout cas, je trouve ça un petit peu. En tout cas, il a le droit de penser ça. Hein? Il a le droit de penser ça. Bon. Toujours en société, Sébastien Dulude, avec sa chronique Va voir ailleurs, j'y suis. Ça fait 5 ans qu'il fait cette chronique-là et j'ai toujours de la misère à dire le titre. Prépare. Mais en tout cas, le titre de l'article, le titre de sa chronique, ça devrait quand même bien aller. C'est Dur. Ah, je l'ai eu. Donc, à lire et où à entendre l'assemblage requis. Ça va être lundi prochain à 8h, sa chronique. Ouais. Ensuite, on va directement en arts et spectacles pour parler des lundis de l'humour. Oui, les lundis de l'humour, la rentrée 2013, un vrai party de gars. Donc, c'était le 18 février dernier. On a eu droit à un bon spectacle avec 4 jeunes humoristes de la relève. Donc, on parle aussi de la soirée en général du 18 février, mais aussi de l'animation et du concept de la soirée. Mmh. Finale locale du QTR en spectacle, le slogan, c'est, ou en tout cas le titre, Mets-le aux trois. Oui, mais je pense que on n'a pas besoin d'en aborder. Pas tant que ça. Mais pourquoi tu me coches des articles? C'est pour qu'on en parle. Moi, j'ai pas dit qu'on n'en parlait pas. Okay, mais on n'a pas besoin d'élaborer un peu plus déjà que tous les matins depuis. Une semaine et quelques jours. On a Karina ici à l'émission, donc... Elle va être là à 8h tantôt. Oui, je pense que c'est la plus mieux placée pour en parler. Tout à fait. Ce dont on parle aussi souvent à Assemblage Requis, c'est la huître qui s'est inclinée devant la lime. On en a parlé avec Alexandra Carignan lundi. Oui. Mmh. Ensuite, sortie CD. Ouais. Deuxième album pour Chantal Archambault. Donc, Alexandra nous dit que Les Élans est un bijou musical qui met un sourire sur les lèvres de son auditeur tout en le rendant mélancolique par moments. C'est beau. Non, c'est beau, beau, hein? On parle de livres, ensuite dans la chronique Mieux vaut en lire de Marie-Hélène Gauthier. Petite révolution qui font boum! Donc, comme le 40e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême vient tout juste de se terminer et que la bande dessinée québécoise y était nettement sous-représentée dans la compétition officielle, Marie-Hélène avait envie de vous présenter une BDiste, auteure, blogueuse, cinéaste d'animation et illustratrice québécoise. Donc, on parle ici de Samantha Le Riche Gionnet, alias Boom. Et je suis allée voir, c'est cool, sur sa page Facebook. C'est 3 jours par semaine, donc c'est toujours les mêmes journées. Elle met des mini BD sur sa page, c'est vraiment très drôle. Bonne idée. Ensuite, on a soirée artistique à la Chasse Galerie. Donc, c'était l'occasion de la soirée de la Saint-Valentin. Donc, ça s'est bien entendu déroulé sous le thème de l'amour. Donc, on nous parle des différents talents de la soirée. Ensuite, en spectacle, la douceur et le charme d'Amélie. Car la chanteuse Amélie était de passage à Trois-Rivières pour présenter son dernier album, Le Royaume, le 7 février dernier. Donc, je ne sais pas si Alexandra vous en a parlé de cet album, de ce spectacle. Oui. Donc, oui, toujours un bon spectacle. Ensuite, en sport. Hey, sport! Hey, les sports, ton domaine, Mathieu. Ben oui. Constance et surprise aux championnats provinciaux de natation. Donc, autant lors des préliminaires qu'en finale, les trifuliens se sont imposés dans leurs épreuves de prédilection. Donc, ça va très bien en natation. Les athlètes sont donc à surveiller lors du championnat canadien. C'est à la fin de la semaine. Je pense que ça commence jeudi. Donc, c'est à Calgary. Donc, plus de détails aussi sur ça dans 2 semaines. Ensuite, au soccer, dure fin de semaine à Sherbrooke pour les Patriotes. Donc, aucune des équipes LQTR n'a réussi à l'emporter sur son adversaire de l'Estrie, malheureusement. Et aussi, en soccer, il y a eu un match hors concours avant les séries pour le soccer masculin. C'était contre les académiciens de l'Impact. Et malheureusement, ils ont perdu. Que veux-tu, mais c'est pas grave. Ils vont en série pareil et toutes les équipes vont en série. Ben, c'est quand même le fun, ça. Ben oui, mais tout le monde a sa chance. Ben oui. Pourquoi pas? Ensuite, on a la chronique d'une foulée à l'autre de Maxime Bilodeau, en quête du joueur de hockey idéal. Que l'on soit profane ou spécialiste, on connaît tous le lieu commun voulant que le hockey sur glace soit un sport qui se gagne et se perd en équipe. Un club formé d'une ribambelle de joueurs exceptionnels, n'ayant toutefois rien en commun, sera toujours moins performant qu'un autre composé d'athlètes peut-être un peu moins talentueux, mais dans lequel une chimie opère. Mis simplement, le tout est plus important que la somme des parties. Non, mais n'est-ce pas intéressant? Il écrit bien. Il écrit vraiment bien, il parle bien, il est intelligent, il connaît son sujet. Ah, Maxime! Quel compliment! On le retrouve d'ailleurs les jeudis matin à Assemblage Requis, je peux faire ma plaque. Ben oui, pourquoi pas? Donc, ensuite, les Patriots Golf sont de retour à l'entraînement en prévision du championnat canadien. Donc, le championnat, c'est du 27 au 31 mai. Donc, présentement, ils sont à l'entraînement. Et si vous voulez en savoir plus sur l'équipe de golf, pourquoi pas? Et finalement, on a la chronique de Philippe Doucet. On va se le dire, là, les Rams n'ont pas fait le poids. Donc, c'est sa chronique qui parle du début des séries pour les Patriots hockey. Donc, plus de détails dans sa chronique. Ben oui, dans le Zone Campus, édition du 18 février au 3 mars. Et c'est le volume 8, numéro 12. Allez voir zonecampus.ca pour partager et liker la plupart des articles. Et puis, retrouvez-le en kiosque sur le campus du QTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Merci, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Zone Campus, parce que ça vous concerne. On retourne en musique à entendre Mauve. Ça vous tente? Mauve, Beetle T-Bird. Beetle T-Bird. Beetle T-Bird. Ça joue là. Là. Ben, sauf si le CD s'est endormi pendant ce temps-là. Ça dort vite, ces petits. C'est vrai, hein? Ils s'endorment, ils font comme. Je suis bien. Je vais pas me lever. peux vraiment voir quand il y a un froid dans le studio, quand Jean-Philippe remet son foulard. T'as mis son foulard? Oh, ben oui. Hey. Puis mes caches-oreilles. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il se sent hipster tout d'un coup. Puis Oh, hein, sors ton devoir, là, le devoir. Tu sais, écris des poèmes. J'ai ton frère cappuccino. Oui, bon, un espresso, je pense, avec la petite tasse. Ouais. Et le petit doigt d'un air, là. Mais là, on se met à dos un paquet de gens. Mais bon. Je prendrais un biscotté. De toute façon, ils sont bons pour rire du monde, eux autres aussi, là, fait que, hein? Qui aime bien, châtie bien. Propre. Qui n'a jamais pêché, qui lance la première pierre. Le premier poisson. C'est ça. Dans la deuxième heure, on retrouvera Karina Tardy et la chronique presque hein, sur trois semaines. Si on appelle ça une chronique, UQTR en spectacle 2013. Aujourd'hui, on reçoit Olivier Bellemare et Joanie Gagnon, duo chant et guitare. On aura aussi la chronique Inky Sexy Time. Tout ça avec Stéphanie Parazzi, Jean-Philippe Charbonneau. Yes, puis Mathieu Plard. Oh oui, pour l'instant, c'est l'Info Campus. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 20 février 2013. Les gens, Philippe Charbonneau. Il est toujours Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est toujours là. Toujours là à traîner dans le studio. À traîner. À traîner comme un paquet de passé. Que si j'en prends une, je vais parler de même tantôt. Fait que peut-être je le ferai pas. Ça serait de la mauvaise radio, je trouve. Mais déjà que tu le fais. Déjà que je limite. Hein? Ouais. Fait que c'est un petit peu mauvais. Je pense qu'on va pouvoir la prendre, ta pastille, finalement. D'accord. Tout à l'heure, Karina Tardy sera avec nous pour parler du QTR en spectacle 2013. Et on recevra nos invités, Olivier Bellemare et Joanie Gagnon. Dans quelques minutes, pour l'instant, Jane de White Horse. Mon pouce, tes grands chevaux blancs. Tarzan, toi. Oh. Ah, Jane Tarzan. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de Jane? Cheetah. Non, c'est dans la même famille que Tarzan, je pense. J'en ai d'autres, mais je suis gêné. Oh. Impressionnant, celle-là. J'apprécie. Ouais. Jane, she gets so close. Jane, she gets so close. Jane, you know you're gonna get cut. Why? Jane the White Horse. Un bon succès de notre palmarès anglophone. Tout le monde adore cette pièce-là. Voilà. C'est tellement bon. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, qui essaie d'atteindre son micro. Seul à... Comment? J'essayais d'atteindre mon micro. Oui. Ben, les chaises sont rebondissantes. Si tu donnes un grand swing, tu vois, ça finit par terre. Carinette Hardy, bon matin. Bon matin. Toujours avec nous du lundi au jeudi pendant 3 semaines. Il reste une semaine et un jour. Mais oui. Pour parler du Cuillère en spectacle 2013. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on reçoit Olivier Bellemare et Joanie Gagnon. Bon matin à vous deux. Bon bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui. Très heureux de vous recevoir. Donc, commencez par vous présenter votre domaine d'études et ce que vous présentez à Cuillère en spectacle. Bon, ben nous tous les deux, on est en communication sociale. C'est notre première année, notre deuxième session. Puis, ouais, voilà. En communication sociale, vous auriez su... Les deux en com, vous auriez su... de me dire, de vous pointer à la place de dire à vous deux la question, puis là, c'est personne ici qui va répondre. Ouais. En communication sociale, vous auriez appris ça, c'est j'imagine. Vrai. C'est vrai. Donc, tous les deux en communication sociale, c'est merveilleux. Depuis quand est-ce que vous chantez ensemble? Comment est-ce que vous êtes connus, les amis? Mais dans le fond, on s'est connus à cause du bac, hein, c'est pour ça. Puis, c'est assez drôle comment c'est arrivé. Ouais. Hein? Oh, histoire cocasse! On veut savoir. Bon, vas-y, je t'écoute. OK, l'histoire cocasse, c'est que au départ, je voulais, moi, faire UQTR en spectacle. J'avais pas eu la chance ou... la motivation de le faire au cégep. Donc, je me suis dit, je veux faire un numéro avec Terrain Spectacle. J'étais supposé faire avec une amie. Mais finalement, une semaine avant, ça fonctionnait plus. On n'avait pas de chanson d'écrite. Puis là, je voulais vraiment faire quelque chose. Puis je savais que Joanie était dans mon bac. Puis, tu sais, c'était quand même mon amie. Fait que là, j'ai dit, est-ce que ça tente de faire quelque chose? Quand même, mon amie. Quand même. Tu l'haïssais pas complètement. C'est ça. Level 4. Fait que j'ai demandé, est-ce que ça tente de faire une chanson, un numéro à Cutter en spectacle? Une semaine à l'avance. Donc, la limite était le mercredi. Le lundi, on s'est décidé. Le lundi, la chanson était écrite. Le mardi, l'arrangement musical était fait. Et le mercredi... C'est fait. Voilà. C'est productif, ça. Ouais, très. C'est rapide, pas mal. Donc, qui compose les chansons de vous deux? Ben pour celle-là, on compose chacun de notre côté, mais pour celle-là, c'est Elvie qui a composé les paroles, puis moi, j'ai fait de l'arrangement musical. OK. D'où vient votre inspiration? Par exemple, pour la pièce que vous avez présentée, elle est venue d'où, cette inspiration-là? C'est venu naturellement. Je crois que on travaille tous les deux bien. On travaille bien sous pression. Ouais. Donc, c'est venu comme ça, en fait, là, ouais. Comme un oral, cette affaire-là, à la dernière minute, les genoux qui chinent. Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit à Cuillère en spectacle? C'était quoi votre objectif? Et pourquoi en duo plutôt que seul? Ça t'a pas tenté? Mettons, toi, tu voulais t'inscrire, tu l'as jamais fait seul, ça te tentait pas? Ben, je pense que c'est cool de le faire à deux, faire une expérience de même. Moi, j'ai participé à cégep en spectacle aussi avant et à secondaire en spectacle avant. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu la fille, je me suis dit, faut que je le fasse, là, faut que je me rende jusqu'à l'université en spectacle. Là, mais ouais, c'est ça. Minimum. Et plus loin que voilà. Ça, parce que ouais. vos aspirations sont, j'imagine, de faire carrière dans le milieu musical plus tard. Donc. Ben, pourquoi pas? Ça pourrait être cool. Voilà. S'il arrive l'opportunité. Ouais. Ouais. Maintenant, je pense qu'on est prêt pour entendre un petit extrait musical de votre part. Hein? On va les laisser présenter qu'est-ce que vous allez chanter. Donc, on ne voulait pas présenter notre chanson qu'on va faire pour le numéro à Uctar en spectacle. On voulait garder la surprise, là, tu sais. OK. Donc, on a préparé un extrait, c'est une chanson, Summer Train, on l'aime bien. Puis, c'est assez relax comme chanson. Qu'on a aussi appris sous pression. Oui. Hier. Come with me for a little ride, see the shadows passing by. Look at the sun and see the clouds, turn their faces in the sky. We've been awake all night, shattered dreams all around. Close your sad, sad eyes, we will be safe and sound. Come with me, fall in the right, see the shadows passing by. Look at the sun and see the clouds, turn the faces in the sky. Daydreaming lightning through the rain, us forgiving on the summer train. Come with me, falling right, see the shadows passing by. Come away with me, it's gonna be alright. Just free, come away with me, it's gonna be alright. You'll see. Bravo! Wow! Ça, c'est ma phase de gars impressionné. Hein? Ça, c'est aussi ma phase de gars qui regrette qu'une minute et vingt, c'est vraiment pas long. Non, c'est ça qu'on disait, il fallait la raccourcir. On essaie de la raccourcir. On n'en pas à ça un matin. Hein, c'est ça, on regrette des fois, tu sais, parce qu'il y a des fois où tu te dis, ah, je regrette pas d'avoir fait jouer. Mais, bon, j'aime vraiment ce que vous faites. Je trouve ça vraiment cool. Vous venez quand vous voulez. Demain. Après-demain, pas d'émission, mais c'est pas grave. Ouais. Donc, c'était Olivier Bellemare et Joanie Gagnon. On rappelle le nom de la pièce que vous avez jouée là? Ça s'appelait Summer Train. Parfait. Voilà. Et vous allez jouer une autre pièce à écouter en spectacle jeudi. Une compo. La semaine prochaine. Ouais. Ouais. Et puis, sinon, aujourd'hui, Carina Tardy, il y a une conférence de presse. Oui, ben là, on vous en a parlé hier, il y avait le fameux barbecue. On voulait aussi remercier tout le monde qui nous a encouragés. Ça a été super efficace et productif et vraiment le fun aussi. Et c'est ça, aujourd'hui, à 2h, la conférence de presse. Et jeudi prochain, ben c'est le spectacle, le 28 février. C'est merveilleux, ça. Ouais. Puis c'est où, la conférence de presse? Ouais. C'est dans le hall Albert Tessier, à côté où est-ce qu'ils vendent des livres. Là. C'est juste là. Cool. Ouais. Donc, merci Carina, merci à vous. Olivier et Joanie. Merci à vous. Beau travail, j'ai l'air d'avoir un parti pris en les complimentant de même. Voyons donc. nous, on continue l'assemblage requis. Pour l'instant, on va passer en musique à l'entente du Diamond Rings, un excellent extrait du palmarès anglophone. Plus tard, on aura King Sexy Time parce que nous autres, tu sais, on a beau avoir de la classe là, en ce moment en parlant de culture en spectacle. C'était bon, c'était wow, tu sais. Mais tantôt, des fois, c'est wild. Tantôt, ça va être wild. On va parler de sax tout à l'heure. Mais pour l'instant, comme je disais, Diamond Rings, voici Runaway Love. 89 FM, c'est fou. I wanna wake up in a different city. Runaway Love de Diamond Rings. Ring, ring, ring, ring, ring. À son âge requis, je sais pas pourquoi je fais des effets sonores de même. On dirait que ça met de bonne humeur. Des Diamond Rings. Ouais, hey, tu m'as tellement donné le goût d'en manger. Oh! j'ai capté ton message. On va s'en chercher, cool. Même si juste 8h15. La cafétéria à 8h15, est-ce qu'on va nous servir des Onion Rings? Je sais pas. Ils vont nous charger 6$ pour, mais ils vont nous en vendre pareil. Ça vient pas avec le petit cup de miel. Non, oh, no, t'en as 3. Fait que ça vaut les. Petit commentaire ici. Hein? C'était incisif. Ben oui. Ça. Oui, qu'est-ce qui arrive à ce gars-là de chialer de même? On avait une crotte sur l'estomac. En tout cas, c'était pas des rondelles d'oignon. Dans le restant de l'émission, tantôt, je me demande encore quelle chronique maison qu'on va faire parce que vous savez, il y en a plusieurs des chroniques maison et on va voir laquelle faire tantôt. On va en parler en ronde, je pense. Ça va être le fun. Ah oui. On a envie de se faire des petites chroniques de même. Parce qu'on n'a pas Annabelle Maton aujourd'hui. Ben non. On n'a pas ça. Ce qu'on a par contre, c'est Kinky Sexy Time qui s'en vient dans quelques minutes. On va juste prendre une dernière petite pause musicale rapide pour aller entendre Chanteur Archambault. Ouais. Ah, bonne idée, ça. Ouais. Yeah. J'ai surévalué ma joie. C'était too much. Ouais. Mais je suis content. On écoute les détours, puis après ça, ben, Kinky Sexy Time. Effacer les repères façonnés par nos corps, brûler les étapes une à une sans remords. Je ne décide plus rien de moi. Emplie par la beauté de Dieu. Chantal Archambault et les détours sur l'album Les Élans. Elle a beaucoup d'articles. Oui, comme un journal. Les Élans, est-ce que c'est pour Orignal ou tu donnes un swing? Je sais pas, je m'évache sur ma chaise, je m'appelle Stéphanie Paradis. Je brosse ma chaise, puis comme tu t'es vaché, je m'appelle Stéphanie Paradis. Non, j'ai de l'attitude. Ouais, c'est ça, j'ai de l'attitude, je suis Stéphanie Paradis, je me mets en noir, je suis Stéphanie Paradis. Comment? Ben voyons. Attendez, j'arrive, laissez-moi me prendre mon élan. Ça fait, ben oui, à délai. À délai, mais tu l'as quand même. Ouais. J'aurais dû avoir mes criquets. Ouais. Parlant de délai, hein, faut se retenir des fois dans la vie. Voici Kiki Sexy Time. Oh, hey. Kinky Sexy Time, c'est la chronique où on se raconte des choses sexuelles un petit peu. Hein. Vous le savez, on a perdu Annabelle Maton et sa chronique sexy, je t'aime moi non plus. Donc, on va remplacer ça un petit peu, là, mais pas complètement avec ça. Donc, saviez-vous, les amis, les enfants, les élans, que les kangourous mâles... En fait, je pense que je commence avec un fait que j'ai déjà fait. Tu me le diras, Stéphanie. Les kangourous mâles se donnent eux-mêmes des blowjobs. Ah oui, oui, t'as déjà fait ça. Ils se rendent. Ça va très bien, ça va très bien. Ça commence très bien. Mais c'est parce qu'ils ont une grosse poche, là. Oui. Oh, c'est-tu des femelles, ça? Oh! Hey, les mâles, le kangourou, ils ont-tu des poches? Mais je veux dire la poche, là, en avant, là, pour... put the baby. Je sais pas. Poché. Je sais pas. En 423 avant, chose bin, là. En l'an 423 avant, là. Le doigt du milieu, le geste du doigt du milieu a été utilisé dans une pièce grecque. Le geste faisait référence à un homme qui se soumet à la pénétration anale. Oh! Hey, oh! Ça vient de loin, ça? Ça vient de loin, dépendant de la longueur du doigt, je te dirais. Ah, c'était douteux, ça? Oh oui. On avait-tu averti le public que c'était pour un public averti? Non, parce que t'as commencé en disant « Bon, les enfants! » Ben, la chronique, ça... Ouais, il y a ça. La chronique s'appelle Kinky Sexy Time. Ceux qui font pas le lien, à un moment donné, peut-être parce que vous parlez pas assez anglais, hein? Kinky Sexy Time, ça veut dire le temps, tu sais. La gamophobie, c'est la peur du mariage, des relations ou de l'engagement, s'engager, se commettre à quelqu'un, ça. La quoi? La commitment. La gamophobie. OK. En anglais, gamophobia. Je mets un « e » tout le temps en français, oui. Puis ça fait la même affaire, ça. Donc, la gamophobie. Tu sais, polygame, monogamie, etc. J'imagine que ça vient d'être là, hein? Oui, j'imagine. Selon une étude de l'Université de South Wales, les Taïwanais utilisent des vibrateurs plus que n'importe qui d'autre. C'est les Taïwanais. Non. Ah oh ben! De quelle Taïwanais? De quelle taille you wanna do it? Taïwanais. Jean-Philippe, wow. Non? Pas vraiment? Non, j'étais concentré sur d'autres choses. Fais-moi pas un doigt de même, c'est ça que ça veut dire. Fais-moi pas un doigt de même. 20% des femmes se prennent soin d'elles-mêmes une fois par 7 jours, une fois par semaine. 20% c'est 2 femmes sur 5. Ça. Ah oui. 2 femmes sur 10. Au moins t'as réussi. 2 femmes sur 10. Oui, 1 femme sur 5. 1 femme sur 5. Je me suis récupéré comment? Hein, ouais, t'as fait la même erreur que j'ai faite. Ouais, je me suis vraiment rendu compte de ça à mi-chemin. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, parlant de 20% ou d'une personne sur 5. 300. Bon. C'est ça. 300. 20% des hommes ont déjà utilisé un vibrateur. Juste 20%? Alors que c'est combien de pourcents des hommes sont homosexuels? Je sais pas moi non plus, donc peut-être que ça a peut-être un lien ou les gens curieux. Les couples qui couchent ensemble, encore un que j'ai fait, je suis sûr. Les couples qui couchent ensemble sont plus heureux et ont tendance à rester ensemble plus longtemps. Ben, c'est logique. C'est logique. IKEA en Australie offre une bassinette à 99$, mais gratuitement pour les familles dont les bébés sont nés le 14 novembre 2013, qui est à dire 9 mois exactement après la Saint-Valentin. Oh! Tu sais? Mais ça veut pas dire qu'ils ont nécessairement été faits à Saint-Valentin, par exemple. Non, mais à 9 mois d'intervalle environ. C'est cute. C'est cute. Est-ce que vous connaissez du monde né en novembre? En novembre, oui. Oui. Bon. Oui. C'est ça. Laisse-moi consulter Facebook. Là. Je pense que j'ai laissé par terre à cette heure. Exactement. Environ 70% des gens, ça c'est 7 personnes sur 10. 7 personnes sur 10. Aux États-Unis vont admettre de fantasmer par rapport au sexe de groupe. C'est faire l'amour avec plusieurs personnes en même temps. À un certain point de leur vie, 7 personnes sur 10 vont rêver à ça. Définis groupe. C'est 2, 3 ou plus, j'imagine. C'est 2, c'est un couple. 3, c'est un trio. 3, c'est un trip à 3. C'est un trip à 3. 4, c'est quoi? 4, ça commence à être un groupe. Mais à 4... C'est 2 duos. C'est 2 duos. C'est quoi la théorie du... les chiffres impairs, chiffres pairs, là? Faut un chiffre pair, c'est pas bon. Faut un chiffre pair. Un chiffre impair, c'est pas bon, c'est ça? Mais je sais pas de quoi tu parles exactement. Parle de ta vie sexuelle, c'est quoi? Là? Non, c'est pas c'est blague. Mais dans un groupe de personnes impaires, il y a tant de personnes qui se sont délaissées. Oh. Ben oui. Voilà. C'est comme quand tu vas à Rome. Oui. C'est parce que tu peux juste t'asseoir en pair. Ben oui. Fait que là, quand t'es trois, t'es comme... Oh, mais un corn dog, ça s'insère bien. Okay. Les chercheurs britanniques ont récemment prouvé que... Ah, elle est pas facile, celle-là. Non, je sais, c'est ça. C'est pas évident quand tu la lis à l'avance. Mais bon, c'est pas grave. Les chercheurs britanniques, on sait même pas si c'est osé que ça. Bref, que la capacité d'une femme à se rendre à l'orgasme est environ au tiers génétique. Donc, c'est le tiers génétique d'être capable de te rendre à l'orgasme. Ça, c'est pas cool. Non! Tu étais comme, ah, oh, je tiens ça de ma mère. Ouais, c'est ça qu'elle disait hier au lit d'ailleurs, de mère. Oh, mon Dieu. OK. Le mot lesbienne. Ben, en anglais, mais j'imagine c'est la même chose en français, même racine, on a parlé ensemble, Stéphanie et moi, tu sais, comme les mots, à un moment donné, ça allait même racine. On parlait de lesbienne, Mathieu et moi, puis... Toujours, en fait, c'est notre premier sujet le matin. Lesbienne! Donc, le mot lesbienne vient de l'île grecque Lesbos. Lesbo? Lesbos? Où une poète femme avait récité des poèmes à ses amoureuses femmes nombreuses. Donc, elle avait plusieurs amoureuses femmes. Elle disait des poèmes à ces femmes-là. Et puis, c'est ce qu'on appelle. Donc, c'était sur l'île de Lesbos. Est-ce que c'est clair? C'est beau. C'est un peu romantique, quand même, l'origine du mot. Un peu. Pas trop. Mais oui, non. C'est, oui, ça l'est. Ben oui. On peut le dire. Ça l'est. C'est cute. Et en hommage à ça, me voilà en train de chercher une chanson que je vais trouver certainement avant les prochaines secondes. Donne-nous des indices. Je veux faire jouer du Lesbo Vrouven. Oh. Est-ce que je vais l'avoir? Oui, Lesbo Vrouven sur l'album Encore la mort. Regardez bien comment ça fit. Et ça fit encore plus, je n'ai pas eu à l'expliquer pendant 20 secondes. On voici Greek Woman de Lesbo Vrouven. Eux autres aussi, c'est basé là-dessus, en français, en anglais, puis en musique. Ça fit. Lesbo Vrouven, tout de suite, à son âge. Lesbo Vrouven avec Greek Woman, une excellente, excellente pièce, un succès en fait, une de mes pièces préférées depuis l'ouverture de la depuis que je suis arrivé, parce que la station est pas mal longtemps avant moi. Donc sur leur album Encore la mort, et c'est toujours la chronique Kinky Sexy Time. Oh. Il nous en reste juste quelques-uns à faire, on va aller quand même vite là-dessus. Là. On reste dans les langues. Vanille, en anglais vanilla, vous me suivez jusqu'à là? Oui, à date ça va. Pour les anglophones. Vanille, ça vient du mot latin. Que vous reconnaîtrez peut-être, vagina. Ah ouais? Ça vient du mot latin pour vagina. Vanilla. OK. ça goûte pas la même chose. Je sais pas comment. Je sais pas comment ils ont fait la transition entre vanille. J'aimerais en savoir plus, il faudrait que je fasse mes recherches. Mais c'est pas le but de la chronique. Un sondage de Marie Claire, le magazine Marie Claire, nous apprend que 41% des Français ont déjà eu des relations sexuelles avec plus qu'une personne à la fois. Et c'est quand même beaucoup. Pas pire, hein? 41%, c'est plus que 4 personnes, si tu veux dire. Et sur 5? Oh, Colin! 2! Je saurais pas quoi dire. Environ 2. Vous connaissez Notorious B.I.G.? Oui. Si je pouvais, je ferais jouer l'extrait, mais c'est pas le genre de musique qu'on joue ici. Mais Notorious B.I.G., il y a une interlude dans sa chanson Ready to Die, de lui en train de se faire faire une pipe. D'accord. Une blowjob. Et c'est un vrai enregistrement audio de lui en train de vraiment se faire faire une pipe dans le studio d'enregistrement lors de l'enregistrement de la chanson Ready to Die. C'est donc ben mauvais goût. C'était, oui, ben c'est ce que la fille a dit d'ailleurs. Ah! Oh. Puis elle a dit, tu portes bien ton nom, Notorious B.I.G. OK. Non, voyons donc. Tabarnouche! Elle est bonne. Ben, pas pire. Environ une personne sur 5 millions, ça c'est presque 0,00001%, des hommes, d'accord? On recommence la phrase juste pour s'assurer que vous compreniez bien la phrase. Environ une personne par 5 millions, un homme sur 5 millions, naît sans pénis. Oh. C'est triste. Un homme sur 5 millions. C'est un homme, là. Il y a tous les l'ADN, les gènes, etc. Là, mais pas de pénis. Pas de pipi. Mais pas de vagin non plus, là. T'sais? J'imagine qu'il y a quelque comme chose, non? Il y a sûrement quelque chose. Un Ken. Mais c'est quoi qu'il y a là à la place? C'est tout plat, lisse, lisse et doux. Ouais. Lisse et doux. OK. Bon, est-ce qu'on avait averti le public avant? Non, OK. En moyenne, deux femmes sur 5 vont marier leur premier amour. Combien? Quelle erreur! Deux femmes sur 5. Ouais, mais ça, c'est leur premier amour. 40%, ça. Hein? Ouais, mais définis premier amour. Là. Leur premier amour. Ils sont sortis ensemble? Là? Ouais, ben, d'où les doigts qui s'étaient à l'entrechoc pour. Ouais, mais tu sais, ça peut faire comme oh, wow, Mathieu, t'es mon premier amour. Puis là, tu sais, 40 ans plus tard, on se retrouve. Ouais. Ah, j'avoue. C'est comme à la scénario hollywoodien. Hollywoodien. Ah, j'avoue, ça a du sens ce qu'il dit là, le petit Jean-Philippe. Peut-être, oui, oui, ça doit arriver. Je mange mes croûtes pour grandir. Puis je sais pas comment tu fais l'amour avec tes doigts comme. C'est le même, hein? Mais moi, c'est doux puis lisse, hein? Les deux index qui. 1 sur 5 millions, pas. C'est peut-être moi. Ah, peut-être, on le saura jamais. À la fin de la saison, gros cliffhanger, on finit là-dessus. Ça, c'est vraiment intéressant. Taper sur la poitrine d'une femme, c'est une forme de thérapie. Pour agrandir, pour grossir les seins d'une femme dans certains pays. Dans certains pays, tu donnes des gifles à la poitrine. Tac, tac, touc, touc. Parce que ah ça oui, vous concerne. Ils sont enflés. Ils sont enflés. Ils sont tous rouges. Ils ont des. Ils ont de la corde. De la corde. De la corde. Ça, la blague aurait été plus efficace. J'avais eu le mot en bouche. Mais oui. D'accord, c'est bon. Et puis voilà, hey, c'est tout. Ça finissait là-dessus. J'avais un dernier onglet d'ouvert pour vous rappeler à tout le monde d'aller voir sur twitter.com/asrequis. Twitter.com/asrequis. A-S-S-R-E-Q-U-I-S. Là-dessus, il y a une liste qu'on appelle une liste Twitter avec les comptes de tout le monde que je suis pour faire Kick Sexy Time. Ça vous tente de lire tout le reste. Il y a aussi une liste, c'est un fait, ça vous intéresse. Donc twitter.com/asrequis. Fait que là, tu nous arrêtes ça avec des seins joufflus et cornus. Là. Ben attends, il y en a peut-être un nouveau, là. Je vais aller voir sur twitter.com/asrequis pour savoir s'il y a des. Il n'y a rien eu de nouveau depuis 10 heures. Oh. Oh. Non, j'aurais bien aimé vous en sortir un nouveau exclusif, mais non. On va se finir avec une paire de boobies. Il n'y a pas de photo sur twitter.com/asrequis. Non. Mais c'est une parole de boobies. Une parole de boobies, OK. Je pensais que tu voulais voir des boobies. Oh non. On pourrait entendre des boobies, mais j'ai pas de chanson qui a boobies dedans. Parlant de boobies, t'as-tu vu la fille qui. Ben, c'est vraiment un vieux vidéo là, qui pète le melon. Là. Oui, c'est gros. Oui. Ou qui écrase la canne. Et c'est gros melon. Tu penses qu'elle s'est faite patapatakis? Probablement sans cesse. Hein. Ouais. Elle s'est faite patapatakisser, c'est boobies. Patachou. Patachou. Patachou. Elle a des grosses pétillates. Ricardo, à chaque fois qu'il va dire « Ouais, vous pouvez faire de la pâte à choux. » Faut penser à toi, Mathieu. Oh, merci. On prend une pause, on revient après ça avec la chronique « Parlez-vous le français ». C'est ce qu'on a déterminé qu'on va faire en remplacement de la chronique qu'on devait avoir. Moi, je parle pas français. Non, ben ça tombe bien. Tu vas apprendre avec Jean-Philippe et moi. Patapatakis. Pâte à choux, ça pourrait être « Pasta of the cabbage ». Pâte à choux. Ouais, pâte à choux. Pâte à choux, tu sais. Ouais, ou si on vraiment le décompose vraiment beaucoup, tu sais, chou, ça veut dire bébé, tu sais. Fait que là, ça pourrait être. t'inventes des choses. Pasta baby! Pasta babies! Miam miam, ravioli au bébé. Ça me ravit au lit. Ravioli, ravioli! Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Bilodeau nous parlera de disciplines sportives inusitées dans d'une foulée à l'autre. On aura les chroniques régulières de Jasmine Raymond-Dréville, Anne-Julie Durocher et François Landry. Et on dira au revoir, tabarouette, à notre collègue François-Olivier Marchand, notre vétéran le requin. Là. C'est demain, 7h, à Assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. Il est 8h41. Salut Jean-François, Jean-Philippe, Caroline, Jean-Philippe. Oui, ouais, je savais que je le ferai un jour. Ouais. Ça arrive à tous. À tous, hein? Moi, j'ai une passée encore dans la bouche, ça marche pas partout, je tousse encore. Toutes les deux secondes. Bref, de quoi on parlait, là? Merci, Jonathan. Mathieu Jonathan, Maxime Martin. Maxime Martin. Il est bon, lui? Oui, pas pire drôle. Ouais. Stéphanie Paradis est toujours là aussi. Hey, merci de m'avoir bien prononcé. Stéphanie Paradis, Mademoiselle Sparadis. Sparadis. Ouais, c'est ça. Sparadis, c'est une carotte. Sparadis. Hey, parlant de mauvaise blague, voici la chronique Parlez-vous le français. Pas dans moi. Où est la piscine? Splish-cloche. Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Si seulement on avait utilisé les 40 secondes d'intro pour préparer la chronique mieux, peut-être que ça aurait été plus drôle. Donc, parlez-vous le français, c'est la chronique où on apprend aux étudiants étrangers notre belle langue de Molière. Ou molle demain, ou molle aujourd'hui. Wow. Molière. C'est la même blague avec cafetière, puis c'est pas drôle non plus. Ça. Donc, parlez-vous le français. On va s'essayer. On a une couple. Je pense qu'on a une gang. Une couple. Et vous allez m'aider, les amis. Oui. On va commencer avec fertile. Donc, Jean-Philippe, répète après moi, fertile. Fertile. En anglais, fertile. Fertile. En français, hein, qu'est-ce que c'est? C'est tuile de fourrure, évidemment. Tuile de fourrure sur laquelle tu peux faire des choses kinky devant le foyer. C'est juste plus petit qu'un tapis d'ours. C'est une tuile d'ours. De fourrure. C'est pas gros, ça? C'est pas très gros. Ça, mais des fois, un homme sur quelques millions n'a pas de pénis. Et il est lissé doux. Il est lissé doux. Ensuite, fais ça vite. Fais ça vite. Fais ça vite. En anglais, break the window. Break the window. En français, fais ça vite. Fais ça vite. Fais ça vite, comme dans casser une fenêtre comme Shredder. Ou mettre ses fesses sur la vitre. Oh, fesses sur la vitre. Alors ça, tu vois, j'aime beaucoup des fois quand on part sur des... Quand mon fond, mon fond est vraiment pas assez fort. Flore, je le retravaille. Attends un peu. Je vais le remettre là. Oh, ici. Oh, oui. Ça va être comme ça toute la chronique. Ensuite, livre ouvert. Livre ouvert. En anglais, book or green. Book or green. En français, livre ouvert. Mais livre ouvert. OK. Il y en a qui tombent. Grassroots. Grassroots. En français, ça donne évidemment racine grasse. Racine grasse. Racine grasse, c'est évidemment quand t'as les cheveux gras, juste la racine. Des fois, pour le revitaliser, les coiffeuses vont dire de mettre juste du revitaliser sur le bout de tes cheveux. C'est un conseil comme ça, justement. Snow jam en anglais. Snow jam. En français, ça devient confiture sur neige. Confiture sur neige. Et en anglais, ça redevient snow jam. Ah, c'est parfait. C'est beau, hein? Tu vois, des fois, la vie marche comme ça. Ouais. Ça marche de même. Une confiture de neige. C'est comme quand tu vas à la cabane à sucre, sauf qu'à la place de mettre du sirop d'érable, ils mettent de la confiture. Oui. Quand, non, c'est agressant. Non, là, c'est vraiment trop agressant. Puis c'est vrai qu'elle est bonne. Elle est vraiment bonne. T'es vraiment dedans. Oui, c'est ma clé USB qui a eu un bug quand je l'ai fait. Mais bon. Oh. Sur ce, toujours en parlez-vous le français. On a plein d'autres, faut continuer, on n'a pas le choix. Coq à l'âne. Coq à l'âne. Donne évidemment. Coq à anus. Coq anus. Tu veux vraiment que je dise ça? Non. Coq anus. Puis vous comprenez ça. Elle l'a vraiment dit. Elle l'a dit. Ah, c'est à la radio, c'est à la radio. C'est, on a des archives de ça. Ça va être dans les annales. Queue de castor. Queue de castor. En anglais, ça devient Beaver's Tail. Beaver's Tail. Beaver's Tail redevient pénis de vagin. Non, ça, je dis pas ça. Beaver, c'est un terme sexuel pour dire... Vagina. Et finalement, Jean-Philippe, Rubbermaid en anglais. Rubbermaid. Ça devient une bonne en caoutchouc. Une bonne caoutchouteuse. Une bonne caoutchouteuse. Ah oui. C'est superbe, hein? Oui. Ouais. C'était Parlez-vous le français, maintenant vous connaissez les règles de l'art. Hey, j'en ai quelques-uns pour toi, donc. Mathieu et Stéphanie. Toi, Mathieu et Stéphanie. Toi, Mathieu et Stéphanie, tu sais, je te regarde tout le temps, toi. Ben, c'est mon nom composé, en fait. Stéphanie, c'est Stéphanie Jessica Truc, Paradis. Hein? Moi, oui. C'est Mathieu Stéphanie Paradis. Plante. Ça commence par la même lettre, ça peut porter confusion. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Arlette? Arlette Johansson? Non, ça c'est Arlette, Arlette Cousture. Arlette Cousture, ça pourrait. Mais tu sais, tu pourrais être porté à lui dire oui, Arlette. Oui, Arlette. We are late, nous sommes en retard. Ouais, ça c'est si tu connais quelqu'un qui s'appelle Arlette, par exemple. C'est très bien. Ça tombe mal, je connais personne qui s'appelle comme ça. Ben, pas dans mon de cette génération aussi. C'est ça. Pas dans mon hood, dans ton ghetto, dans la rue, à côté du Tim Horton. OK. Tu peux savoir, là je peux vraiment pas, si t'es capable de plugger cette phrase-là à bon escient, ma queue perd son alcool. Je sais pas pourquoi tu pourrais dire ça. Ma queue perd son alcool, non, c'est vrai. Mais puis là, on va le dire en parlant du nez. Make a personal call. Make a personal call. Faire un appel personnel. Wow. OK, ouais. C'est tiré par les cheveux de la queue. Ouais. C'est tiré par les poils pubiens. Oui. Ça va loin, notre affaire. Oui. Attends, j'en avais des pas pires. Des fois, tu sais, dans ta chronique Kinky Sexy Time. Ouais, ouais, on aime ça. Tu pourrais dire, oh Mathieu, t'as tellement une âme coquine. I'm cooking. I'm cooking. I'm cooking. Tu as une âme. Cooking. Puis là, des fois le soir aussi, je t'appelle. Puis là, tu fais comment? Qu'est-ce que tu fais? Oh, I'm cooking. I'm cooking. OK, je viens de la comprendre. Hey, c'est des fois, c'est ce qui prépare son rôti de porc pour le lendemain matin pour déjeuner. Oui. Ah, oh, c'est un beau lien, ça. Rôti. Rôti. Ah, oh, rôti de porc. Excuse-moi. OK, ouais, ça, c'est mon déjeuner. C'est un running gag. C'était quoi la blague qui t'a tant fait rire? C'était que tu te préparais deux rôtis le matin pour déjeuner. Et oui. Moi, je me prépare un rôti de porc. Mais c'était apparemment très drôle. Moi, je le trouvais vraiment pas drôle. Un peu comme la chronique qu'on vient de faire. Oui. C'était pas. Moi, je me roule la tête, je l'ai réécouté, puis je l'ai rié autant sinon plus. Moi aussi, des fois, je me la redis dans la douche. En faisant quoi? Okay. Mais c'est sabonnant. Des fois, tu sais, quand t'es plus jeune, là, la fameuse joke de tu prends ta main, puis là, tu fais comme ah, j'ai volé ton nez. Oui, oui. Ben, tu peux l'évoluer en disant oh, je mords mon nez. J'ai besoin de more money. More money, more money. Oh. More plus de cash. Wow, c'est comme tu manges mon cœur, ça. Ça oui. Veut rien dire, mais quand tu l'expliques pendant 3 ans, on finit par comprendre pourquoi on a choisi ce titre-là, tu sais. Oui. Pour la chronique. Après ça, contrairement à la personne, le mâle sur 5 millions là, qui n'a pas de pénis. C'est Doux Ellis à la place. Là. C'est Doux Ellis. Sur 5 millions. Oui, des fois, tu pourrais vraiment en avoir un très gros, puis faire wow, toute ta queue traîne. To take a train. Écoleuse. Wow. Je prends le train. Tout à que train. Avec le gars, là. Je prends toujours un train, tout à dans le train. Ouais, José Lito. José Lito Michaud. José Lito Michaud. José Lito Warm. Warm Michaud. Comme Michaud, c'est tiède un peu, c'est warm. Ouais. Mm-hmm. José Lito Warm, non, laisse pas. Finalement, garde ça pour une autre fois aussi, là. Mais continue sans. Ah non, je suis en blitz, là, il nous reste 10 minutes. faut remplir ouais. Ça. Des fois, c'est ça, je sors la grand-mère de son foyer. Tu l'avais fait brûler, c'est quoi? Oui, elle s'appelle Germaine. Puis là, elle fait comme, mon Dieu, c'est quoi ce hippie-là, genre? Puis là, tu sais, il est en train de prendre de la drogue. Puis je fais, ben, il speak Germaine. Il speak German. Ça a pas d'allure. Il parle allemand. Aïe, aïe. C'est vraiment, on va le dire, de mon calibre. On dirait que c'est-tu MathieuPlante.com? C'est mon site, ça? Je sais pas. C'est vraiment mauvais, mais c'est drôle. Pour moi. Là, tu prends des notes dans ton sommeil sur un site internet que tu as oublié, dont tu as oublié l'existence. Exactement. Écoute, je sais vraiment pas comment l'amener, celle-là. Un pépère, oui. Si je dis un pépère. Ok, oui, oui. Bon, déjà là, c'est une joke. Pepper. Pepper cut, c'est quand ton pépère se coupe pour se suicider. Mais là, je viens de spoiler un petit peu parce que la personne, elle dit « Ah, t'as un saltin, pépère. Salt and pepper. » Ah, le groupe de musique, là. Ça, puis Earth, Wind and Fire, là, puis Salt and Pepper. Puis, J'y vas-tu pour quelques-unes encore? Ben, à date, on s'amuse. Ouais. Ben, écoute, tu t'amuses des fois trop fort, je te dirais « Chute, je dors. Shut the door. Shut the door. » Ouais, ferme la porte. Ouais. J'aurais dû te laisser mon cellulaire pour faire des bruits de criquet. Toi, t'es-tu déjà allé dans une pouponnière? Non. Ouais, parce que des fois, tu pourrais croiser 10 nourrices ready. Dinner's ready. 10 nourrices. C'est même pas proche d'être ça, mais OK. Il faut pas, même pas que tu parles dîner. Il faudrait comme t'as un accent en plus du Texas. Fasse comme... C'est très, très réussi. Très réussi. Ouais, je l'ai vraiment. Pouponnière, ça pourrait revenir à ma blague du début de la chronique. Là. Pouponne demain, pouponne aujourd'hui, pouponne ouais. Hier. Hey, je vais y aller pour une dernière, OK? Une dernière ou une dernière demain ou une dernière aujourd'hui? On verra. Ouais. Je termine cette blague-là. Tu connais-tu Tigui? Tigui. Tigui, ouais, parce que la dernière fois, je l'ai vu. Guy vomit sur mon nez. Give me some money. Je l'ai-tu déjà fait? Non, mais... Ah, il ressemblait un peu. Ouais. Ouais, c'est pas mal sur le même moule, je te dis. Guy vomit sur mon nez. Guy, oh. Guy vomit sur mon nez. Guy hey, vomit sur mon nez. C'est vraiment un trip de drogue qui a mal trippé. Ça se peut, hein? Mal fini, ce site-là. Je pense qu'il n'a jamais fini, en fait. Je pense qu'il y a encore lieu. Ouais. Malaise! On gratte ouais. Tous les jeunes... Qu'on gratte tous les jeunes. Ah oui, la fameuse phrase là, du gars. On gratte tous les jeunes. Oui, oui, oui. Qu'on gratte tous les jeunes. Congratulations. Merci. Bon, à ce temps que je les ai toutes faites, on pourra plus jamais me céder la parole durant cette chronique. Non, mais tu sais, on fait pas trop cette chronique-là souvent. Puis il y a une raison. Voici Ian Friend de Biohazard. Je suis sûr qu'il va être content d'être associé à ça. Bien sûr. On vient pour se dire bye après. Et vous de dire enfin. ça dépend de ce que tu veux voir. Tu montres pas grand-chose, c'est ta mine de l'air. Tu montres tout, alors là, tu fais ça. Tu montres tout. On me demande. Hein. Ça a bien lavé la chronique Parlez-vous le français de nos oreilles, on s'en rappelle plus. Oui, c'est parfait. La quoi? La chronique. Ah, excuse-moi, moi, ça n'a pas eu lieu, ça. Non, non. Non. Danny Janvier, Bio Bazar avec la pièce Anne Friend sur le palmarès francophone et Jean-Philippe apprécie particulièrement Bio Bazar. Oui, j'aime ça. Moi aussi, évidemment, tout le monde. Tout le monde, mais particulièrement parce que. Ben, ça m'arrive souvent de faire mes travaux en écoutant Bio Bazar. Je trouve que ça s'écoute tellement bien. Là. Puis ça te ponctue de petits moments de rire. Ouais. Moi, me faire interrompre par quelqu'un qui me dit voilà les filets de morue. C'est comment, ouais. Fait que là, des fois, je fais des crises automatiques. Hein? Je fais ça dans mes travaux. Là, c'est marqué filet de morue à monsieur le professeur. T'sais. Ça le fait rire. Ouais. Mm-hmm. Donc voilà pour Bio Bazar, l'album s'appelle Bon Contact, Common Contact. Ça va être la fin de l'émission pas mal pour aujourd'hui. On va se quitter avec une pièce, une nouvelle entrée du palmarès anglophone de la formation Boy. Boy! Et ça s'appelle Little Numbers. Ça va en quelques instants. Le temps de se quitter et de se dire qu'on va être de retour demain. Et demain à l'émission, ça va être spécial, ça va être le fun! L'émission parce que François-Olivier Marchand va venir en studio pour la première fois en 5 semaines. Il avait pris un congé parental et finalement son congé parental est devenu quelque chose de plus, donc on en parlera avec lui demain toute l'émission. François-Olivier Marchand. On aura Maxime Bilodeau qui va nous parler de disciplines sportives inusitées. En fait, on va s'attarder à 3 disciplines sportives inusitées, atypiques et disons-le quelque peu marginales. Il sera question entre autres de leurs enjeux, de leurs règles et de leurs demandes physiques respectives. Leur culture et folklore seront également décortiqués et commentés avec humour, parce qu'on n'y échappe pas avec Maxime Bilodeau. Curieux de savoir quelles sont ces disciplines, ben c'est demain à 7h30. Ensuite, à 8h, on enfilera Jasmine Raymond-Dréville avec sa chronique AGEQTR, Anne-Julie Durocher avec l'Index et François Landry avec le GoCast 101. Tout ça et plus demain à Sondage Requis. On remercie Stéphanie Paradis. Ben, de rien. On remercie Karina Tardy. De rien. On remercie Olivier Bellemare et Joanie Gagnon. De rien. Ouais. Puis évidemment, on va retrouver Karina aussi demain à 8h. Donc, on se quitte. Boy et Little Numbers. Au revoir, les gens amis. Au revoir, Mathieu. Amis. Hey, Mathieu, tu sais pas quoi? Quoi? Demain, il y a une soirée cachée, c'est fou. C'est vrai. Ça va être le fun. Ouais, puis c'est demain à ton émission. Ben, notre émission, puisque je co-anime en remplacement de Mathieu. Oui, en remplacement de Mathieu Plante. De remplacement. Dans tes rêves. Ouais, c'est ça. Un dévoilement demain. Oui, demain. Hein, tout va se passer à 8h, je pense. Oh, ça va être l'enfer. Tout à 8h. On va peut-être éparpiller ça. Parce qu'à 8h pile, on ouvre tous les micros et tout le monde dit ce qu'il y a à dire en même temps. Ça va sûrement être encore plus pertinent que ce que j'ai dit tantôt. T'imagines? Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Tape des mains? Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Rappelle-moi pas ça. Bonne journée. Bye, là. Is there a cure for